Fun Radio. Fun Radio. Les sons. Dance floor. If I told you this was only gonna hurt, if I warned you that the fire's gonna burn, would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind? In the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side, would you call in the name of love? In the name of love. In the name of love. Name of love. In the name of love. If I told you we could bathe in all the lights, would you rise up? Come and meet me in the sky. Would you trust me when you're jumping from the heights? Would you fall in the name of love? When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair. But it's all soyez les bienvenus sur Fun Radio, on démarre la journée ensemble à l'écoute de Summer Fun. Et comme chaque jour, on démarre la journée à 6h01 avec le tour de l'actu signé Florence Vanloo. Salut Florence. Salut Anto, bonjour à toutes et à tous. On commence ce flash par une bonne nouvelle et une seconde médaille olympique pour notre nation. Le judoka belge Dirk Waldschult remporte la médaille de bronze en moins 73 kilos. Le belge a proposé un parcours de très haut niveau en sortant le numéro 1 mondial. Il ne manquait plus qu'une médaille olympique au judoka de 32 ans après avoir été champion d'Europe et du monde. Deux judokas seront encore présents sur les tatamis cette semaine avec de nouvelles chances de médailles. Chez nous, Bipost se porte bien selon les chiffres du deuxième trimestre. Ces chiffres montrent une légère diminution d'1% ce qui concerne la tenue des paquets. Ces chiffres compenseraient en grande partie la baisse de volume dans les courriers domestiques. Ces derniers comptabilisent un recul de 3,8%, soit un nouveau recul par rapport à la même période l'année dernière. Le volume des paquets a lui augmenté de 18,3%, un chiffre qui doivent en partie à la croissance de l'e-commerce. À l'étranger, 83 camions ont été détruits en Syrie ce dimanche. C'est la coalition internationale anti-djihadiste qui est à la base de la destruction de ces camions-citernes appartenant au groupe État islamique. Le bombardement a eu lieu dans plusieurs endroits du pays afin de détruire les restes conséquents de l'État islamiste. Cette fois, les camions-citernes transportant du pétrole ont été la proie des combats. C'est donc un nouveau coup porté à la contrebande pétrolière du groupe État islamiste. Le constructeur automobile allemand Volkswagen a été condamné à une amende de 5 millions d'euros. Et c'est l'Italie qui est à la base de cette nouvelle condamnation pour le groupe. Ce dernier a avoué avoir truqué au total 11 millions de voitures dans le monde afin de les faire passer pour moins polluantes qu'elles ne l'étaient vraiment. En Europe, les voitures concernées sont rappelées afin de les remettre aux normes. Une petite information insolite pour clôturer ce flash. Alors que la France n'avait pas encore remporté de médailles, l'humoriste Rémi Gaillard a décidé de publier une ancienne vidéo. Cette dernière a été créée en 2007 pour détourner toutes les épreuves des Jeux Olympiques. Une vidéo qui fait le tour du web puisqu'il retrace avec humour les différentes disciplines. Lancer du poids avec un melon, 100 mètres face à un tram, rien que cela et au final une médaille en plastique. Il aura fallu à la France 3 jours de compétition afin de décrocher leur première médaille en argent avec leur relais de natation 4 x 100 mètres. Fun Radio. Dans un instant, côté Stone and Floor, c'est Rice Treffy qui arrive. On aura aussi un petit David Guetta, c'est un petit souvenir. Just Life More Love, c'est ce qui arrive. Juste avant, François Florence, côté météo, qu'est-ce que tu nous prévois pour cette journée de mardi? Rien de terrible avec un temps plus frais et quelques averses. Des températures qui seront comprises entre 15 et 20 degrés. Le son Dance Floor continue avec le son de Calvin Harris et Rihanna sur Fun Radio. Fun. Fun Radio. Summer Fun. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Sur Fun Radio, Amir, j'ai cherché le titre qui a représenté la France à l'Eurovision 2016. Et c'est ce qui arrive dans un instant sur Fun Radio. Et franchement, c'est un de mes coups de cœur. Et ça me fait plaisir de le partager avec vous ce matin. Comment ça va bien, ma Coralier? Ça va et toi? Mais écoute, très très bien. Nouvelle journée, nouvelle émission qu'on démarre ensemble ce matin, ce mardi 9 août 2016. Et puis Coralie, comme chaque jour, on va pas faire durer le suspense. On commence avec l'éphéméride. Nous sommes le... C'est l'éphéméride sur Fun Radio. Oui, on a un petit jingle pour l'éphéméride, Coralie. Je l'avais oublié. Ça ne fait que un mois et deux semaines. On s'habituera jamais à cette émission, dis donc. On est le mardi 9 août, donc. Oui, nous sommes le 222e jour de l'année et deuxième jour de la 32e semaine. Des bonnes fêtes à souhaiter aujourd'hui. Oui, il y a Amour, à Bénédicte et à Thérèse. Il y a quelqu'un qui s'appelle Amour. Oui. Oh, c'est mignon. Bonne fête à vous, les amis. Et puis des stars sont nées également ce mardi 9 août. Oui, dont la grande chanteuse Whitney Houston. On se rappelle, évidemment. Bah oui. en donne la chair de poule à entendre ça, en tout cas, Macu Arali. D'autres stars également sont nées aujourd'hui. Oui, exactement, dont Audrey Tautou, qui a joué dans Coco avant Chanel, ou encore le fabuleux destin d'Amélie Poulain. On te connaît, ah oui, ou je encore rappelle, bien sûr, Gillian oui. Anderson, qui elle a joué dans X-Files ou encore dans Hannibal. Dans Hannibal, ça donne faim tout ça. Merci, bon anniversaire à eux, parce que j'imagine qu'ils nous écoutent ce matin. En tout cas, on leur fait des bisous. Et puis si vous aussi vous avez envie de fêter l'anniversaire d'un pote en direct sur Fun Radio, comment ça se passe pour s'inscrire? Il vous suffit d'envoyer Annie ou anniversaire par SMS au 3044 et je vous rappellerai juste derrière. Merci de vous réveiller avec nous. Vous écoutez Summer Fun dans quelques secondes. C'est Rice Trifi qui arrive, David Guetta également. Et puis juste avant, c'est Amir et J'ai cherché. 6h09 sur Fun. J'ai laissé mon innocence, j'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance, j'ai payé le prix du silence. Je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi, donné un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur qui dormait là, qui dormait là dans mes bras. Dance floor. Just a little more love, just a little more peace is all it takes to live a dream, to walk hand in hand. Got to understand, and one day soon we'll live in harmony. Just a little more love, just a little more peace is all it takes to live a dream, to walk hand in hand. Got to understand, and one day or two, we'll live in harmony. Just a little more love, just a little more peace is all it takes to live a dream, walk hand in hand, understand, and one day soon we'll live in. a little more peace is all it takes to live a dream. Walk hand in hand, got to understand. And one day soon we'll live in harmony. Just a little more love, just a little more peace is all it takes to live a dream. Walk hand in hand, got to understand. And one day soon we'll live in harmony. Soyez quoi que vous fassiez, vous écoutez Summer Fun, soyez les bienvenus. Il est 6h16 et dans quelques secondes, c'est la belle et talentueuse Erase Treffy qui arrive côté son dance floor avec Bon Bon. Et qu'aura lieu aujourd'hui? Un cadeau 2 en 1 qu'on a pour nos auditeurs. On vous offre votre PC Acer One 10. Ah. Donc c'est un PC tablette qui est... En fait c'est un PC qui est convertible en tablette. Donc vous pouvez tout simplement détacher l'écran de son clavier pour le transporter partout et l'utiliser plus facilement. Ou encore pour le donner à vos enfants. Les enfants en ce moment aiment beaucoup jouer avec des tablettes. Et bien voilà, c'est aussi un cadeau que vous pourrez faire à vos enfants. Et vous pourrez l'utiliser le soir ou alors la journée pour travailler avec son clavier. Donc je vais vous souhaiter remporter ce PC. Envoyez dès maintenant ma PC par SMS au 6322 et c'est 1€ par message. Et on appelle l'un ou l'une d'entre vous tout à l'heure aux alentours de 9h15. On a également d'autres cadeaux pour vous Coralie. On a des surprises, on aura également du buzz et puis on a un concours à lancer tout à l'heure. Tout ça et bien en plus c'est ce qui arrive dans la suite de l'émission. Aujourd'hui on vous parle des tailles de vêtements. Vous allez voir encore une galère qui m'est arrivée que je partage avec vous juste après. Reste réfié, bonne bonne sans fun. No sé yo te dovete. Se non vuoi partire io, dove tu ne feo. Se non zani un creo. Se ne ban, se ne ban, se ne ban, se ne ban, ban, ban, ban. E then this is ban, ban, dun, dun. Bet you wanna taste it, ban, ban. Bet you wanna taste it. Sikur v topni her, jo ma nuk në të.

bougez pas, dans un instant, côté son dance floor, c'est le duo Tiesto et John Legend qui arrive. Je vous cale un petit Florida Lost Frequency, sera aussi de la partie. Et puis juste avant, c'est Justin Timberlake qui arrive sur Fun. Fun. Fun Radio. 6h30 tout pile sur Fun Radio, on s'informe avec Florence Vanloo. Salut Florence. Salut Anto, bonjour à toutes et à tous. La perquisition menée la nuit dernière à Farsienne n'a rien donné. C'est dans une habitation à logement social que les faits se sont déroulés. Cette perquisition fait suite à l'attaque à la machette perpétrée devant le commissariat de police de Charleroi. Aucune arme ni explosif n'a été retrouvée dans l'habitation où vivait le frère de l'auteur des faits. Les deux policières blessées sont sorties du coma. À l'étranger, les attentats n'ont aucune frontière. Hier, c'est le Pakistan qui a été victime d'une violente attaque. Le groupe État islamique a revendiqué l'attaque qui a fait 70 morts. Une revendication pour le moins suspecte, car ils ne sont pas les seuls à revendiquer l'attaque. Un kamikaze s'est fait exploser alors que des centaines de personnes se trouvaient devant un hôpital. Ce n'est pas la première fois qu'un hôpital est touché dans le pays. Une adolescente de 16 ans a été inculpée et placée en détention préventive. La jeune fille se disait prête à commettre un attentat sur le sol français. Elle a été inculpée des chefs d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste criminelle et de provocation à la commission d'actes de terrorisme par un moyen de communication en ligne. Une enquête est en cours et des perquisitions au tuyau au domicile familial de la jeune fille. Aucune arme ni explosif n'a été retrouvée dans l'habitation. En sport, la Belge Kirsten Flipken s'est qualifiée pour le troisième tour du tournoi olympique après avoir sorti l'ancienne numéro 1 mondiale Venus Williams au premier tour. La Belge a battu la Tchèque Lucie Safarova. Flipper a remporté le premier set 6-2 avant de décrocher son ticket pour la suite du parcours sur abandon. La jeune joueuse belge est encore en piste en simple et en double. Elle réalise un des meilleurs tournois de sa carrière. Elle rencontrera au prochain tour l'Allemande Sigmund. Une petite information insolite pour clôturer ce flash. On parle souvent des chiens volants dans les films et dessins animés, mais cela peut également se produire dans la vraie vie. Pour preuve, cet énorme toboggan naturel installé au bord d'un lac et d'une forêt. D'ordinaire, ce sont les humains qui empruntent ce toboggan afin de s'amuser dans un bateau gonflable. Mais dernièrement, cela ne s'est pas passé comme cela. Un chien quelque peu déjanté a décidé de l'emprunter en même temps que des humains. Résultat, le chien a percuté le bateau, fait un vol plané et pris un bon grand bain. Une histoire qui, heureusement, se termine bien pour le chien et la bande d'amis. Dans quelques secondes, côté Stand and Floor, c'est le duo Tiesto et John Legend qui arrive. Je vous cale un petit Florida pour faire plaisir et puis du 100% belge avec Lost Frequencies. Le tout, c'est dans quelques instants, juste avant, côté météo. Est-ce qu'on a une belle journée qui s'annonce, Florence, aujourd'hui? Pas tellement, non, avec un temps plus frais et quelques averses. Les températures seront comprises entre 15 et 20 degrés. Summer Fun continue avec le Stand and Floor de Justin Timberlake sur Fun Radio. Fun Radio. Summer Fun, c'est du son dance floor et de la bonne humeur tout l'été sur Fun Radio. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. My eyes are off it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. And under the lights, when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so fast. Qu'est-ce que ça donne la pêche, ce genre de titre? 6h36, merci d'être avec nous. Du 100% belge, c'est ce que je vous réserve dans la suite avec Last Frequency, c'est Beautiful Life sur Fun. Le temps pour moi de te raconter, Coralie, qui m'est arrivé encore un de ces trucs hier. Je sais pas si toi ça t'arrive souvent, mais j'ai des problèmes pour m'habiller, surtout au niveau détail. Je sais pas si t'as déjà eu ça. Je sais pas, les chiffres ne veulent rien dire. T'achètes une fois un M chez Zara, puis t'as dû acheter un L chez Jules, puis tu vas chez Pull&Bear et aucun des deux ne correspond à ce que tu as, tu flottes dedans. Voilà, je sais pas. J'en ai que des problèmes. Est-ce que vous, les filles, vous avez aussi ce genre de trucs parfois? Ouais, ça nous arrive parfois, mais surtout au niveau des pantalons. Parce qu'il y a certains magasins, ils te font des tailles, mais trop bizarres. Tu comprends pas où tu te retrouves avec un 32, 38, où ils font la taille des jambes, la taille. Ouais, c'est ça, ouais. De taille, et je comprends jamais rien compris à ces marques, bon, à parfois, ces tailles. Bon, je peux avouer, c'est pas grave, je mets du 44, voire le modèle 42, ça dépend un petit peu. Et mais des fois, oui, voilà, tu en prends un ou l'autre, c'est super trop long, bon, c'est trop large, c'est trop machin, c'est vraiment prise de tête, Coralie. Je peux, quand on plaint les femmes qui font du shopping, on se dit, voilà, ouais, ben, franchement, je peux vous comprendre mille fois. Un meilleur exemple, je parlais avec quelqu'un hier, justement, je me plaignais de ça. Il paraît que chez Zeman, je sais pas si tu vois l'enseigne Zeman, c'est encore pire les tailles, parce que là, c'est du 100% chinois évidemment, et là bah, toutes les tailles sont en chinois, donc si par exemple tu veux un L, tu vas prendre du 3XL par exemple. Ouais. C'est quand même vachement abusé ça. Ouais, c'est vrai. Vous avez peut-être des problèmes aussi avec vos tailles. Comment ça se fait? Pourquoi c'est si compliqué en fait de trouver sa taille dans différents magasins? On en parle jusqu'à 9h. Réagissez dès maintenant par SMS au 3044 ou encore sur Facebook. Sur la page Facebook Summer Fun, venez liker la page, venez nous rejoindre et envoyez-nous des messages, on les lira à l'antenne. Dans un instant, c'est Florida qui arrive sur Fun. Juste avant, c'est Lost Frequency, c'est Beautiful Life, 6h38, bienvenue. Anywhere you want to go, I follow. Mountain high and river low, I follow. It's a beautiful, beautiful life. Beautiful, beautiful life. Beautiful, beautiful life with you. Fun Radio. Fun Radio. My heart beat acoustic, moves like Kendrick. Spark to a fire, then a flame and kiss it. Go hard in my lane, both strikes in a blizzard. 10 million in the brain.

down, baby. You're right next to me. We're making history. The sun's about to go down, baby. 16h55, passé de quelques secondes. Dans quelques secondes, c'est le DJ allemand de 24 ans qui arrive sur Fun. Et ouais, déjà, Felix Jane, Bonfire, c'est ce qui arrive. Coralie, il est temps pour nous de rappeler qu'on a un cadeau 2 en 1 à offrir à nos auditeurs aujourd'hui et durant toute la semaine. Et oui, venez tenter de remporter votre PC Acer One 10. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ben c'est un PC qui est convertible en tablette. La classe. Donc vous pouvez détacher l'écran du clavier, pouvoir l'utiliser juste à la fonction tactile de l'écran et pouvoir en profiter, que ce soit pour jouer à des jeux pour les plus petits ou encore pour regarder vos séries préférées pour les plus vieux. C'est super sympa évidemment à transporter quand on va dans les transports en commun, parce peut-être quand on part en voyage. Il est très léger du coup, donc facilement transportable. Il est assez, enfin il est petit, mais pour un il est compact, donc tu peux vraiment le faire le transporter partout et l'utiliser pour faire n'importe quoi. Donc si vous souhaitez remporter ce cadeau, envoyez dès maintenant PC par SMS au 6322, c'est 1€ par message. Et puis Coralie, on a également une bonne nouvelle pour les vendredis de l'été, parce qu'on accueille nos auditeurs le vendredi. Chaque vendredi, venez faire de la radio avec nous. Vous pouvez venir assister à l'émission entre 8h et 9h. Vous venir ensuite profiter d'un petit déj qui nous sera offert par la boulangerie L'Artisan à Forêt. Et d'ailleurs, on a été très très bien reçus cette semaine. Oui, un petit, super bon. Petit jus d'orange, petit café, on avait aussi des pains au chocolat. Jus d'orange pressé à la minute, c'est vrai. Franchement, il est vraiment super bon, la boulangerie est super sympa, le cadre est vraiment super amical, etc. Donc si vous souhaitez venir passer la matinée avec nous, vous pouvez envoyer un mail à anto@funradio.be ou encore sur la page Facebook de l'émission Summer Fun. Et comme ça, vous voyez un peu nos vrais visages, hein. Vous découvrez que finalement, nous sommes des tarés à l'antenne, mais surtout hors antenne. Toute l'équipe sera au rendez-vous, on aura Florence aux infos, Étienne à la réalisation. Et puis ainsi, vous pourrez visiter les coulisses de la radio également et voir comment ça se passe. Tout ça et bien plus, ça se passe tous les vendredis de l'été. Dans la suite, Coralie, est-ce que tu te souviens du titre Ain't Nobody? Ah oui. Ah, il a cartonné évidemment il y a un an. Eh bien, Felix Jane, il revient sur le devant de la scène. Il revient faire danser le monde entier avec son tout nouveau single qu'on va s'écouter à l'instant sur Fun. On va également parler dans un instant des habits et surtout des tailles de vêtements. J'ai encore eu un problème hier avec ça au magasin. On va en parler dans quelques secondes sur Fun Radio. Juste avant à 6h57, c'est Bonfire qu'on s'écoute sur Fun. Voici le nouveau titre de Felix Jane. Non, exclus sur Fun, soyez les bienvenus. I can hear the whispers around me, around me. It hurts if I let all the poison in, if I let them win. Close my eyes and I just breathe. I just breathe. Hurts, but shit that doesn't kill you makes you strong. So bring it up when you're mad. Bitches, let them drinks, yeah, that's my fitness. Fuel to the fire, fuel to the fire. Run your mouth, you can run your mouth. Think you're rain from a fire out. Spin your hair, you feel better now. Fuel to the fire, fuel to the fire. Dans un instant sur Fun, c'est Galantis qui arrive. On aura également le duo Will William et Chris Cab. Fun. Fun Radio. Juste avant, il est 7h sur Fun Radio, soyez les bienvenus. On fait un tour de l'actu en ce mardi 9 août 2016 avec Florence Vanloo. Salut Florence. Salut Anto, bonjour à toutes et à tous. Une manifestation a eu lieu hier dans les rues de la capitale. Sur la place de la Monnaie, une centaine de personnes sont descendues afin de crier leur mécontentement. Ils dénoncent la pendaison mardi dernier de 28 prisonniers de la minorité kurde sunnite dans une prison irakienne. Un rassemblement organisé par l'Association des femmes démocrates iraniennes, l'Association des jeunes et étudiants démocrates iraniens ainsi que l'association des réfugiés iraniens en Belgique. À l'étranger, la Thaïlande a adopté une nouvelle constitution. Au lendemain de cette adoption, les États-Unis ont exprimé leur mécontentement. Cette nouvelle constitution réclame à la junte militaire au pouvoir depuis 2 ans un retour à un système démocratique confié à des civils élus. Les deux pays jouissent d'un traité d'alliance militaire, héritage de la guerre froide et de la guerre du Vietnam. Les relations entre les deux pays sont tendues depuis des événements datant de 2014. En Allemagne, un homme a fait 5 blessés à l'aide d'un couteau. Ce lundi, l'auteur a grièvement blessé une femme de 64 ans et 4 autres personnes se promenant dans la ville. L'attaquant a tenté de dérober plusieurs objets tels qu'un téléphone et un vélo. Le suspect a pris la fuite et est actuellement recherché par les autorités du pays. On ne connaît pas encore les motivations de l'auteur des faits. En sport, Evie Vanacker est actuellement 4e de la course olympique après Dury Gates en voile. La Belge a réalisé une première course de haut niveau avec une 2e place. La 2e course a été beaucoup plus compliquée avec seulement une 12e place. Evie Vanacker est l'une de nos plus grandes chances de médaille dans le tournoi olympique. À Londres, elle avait décroché une médaille de bronze. Une petite information insolite pour clôturer ce flash. Ce n'est pas une surprise. Les pigeons savent voler, mais ce qui est plus étonnant, c'est la vitesse qu'ils peuvent atteindre. En Hollande, un conducteur de camion a été plus que surpris alors qu'il circulait sur l'autoroute. Le chauffeur s'est vite rendu compte qu'un pigeon était en train de le suivre depuis plusieurs kilomètres. Le volatile a en effet décidé de prendre du bon temps en volant pendant 20 km à quand même près de 100 km/h. Fun. Fun Radio. Dans quelques petites secondes, c'est le duo Will.i.am et Eva Simons que je vous cale sur Fun Radio. On aura également Galantis et Nomoni. Juste avant, côté météo, que se passe-t-il Florence ce matin? Rien de terrible avec un temps plus frais et quelques averses, des températures comprises entre 15 et 20 degrés. Le son dance floor continue avec Willy William et Chris Cab dans Summer Fun sur Fun Radio. Fun. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. La radio connectée avec vous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Toute la journée, partout. Fun Radio. Fun Radio. Maintenant, suivez-nous sur tous les réseaux. Fun Radio. Le son dance floor. Jusqu'à 9h, c'est Summer Fun sur Fun Radio. J'ai troqué ma voiture pour un vélo, roulé sur ces rues pavées. Un air d'été sur la capitale, on était là là là. Quelques musiciens me donnaient la mélo, c'est ce qui faisait tout son charme. Quand je chante la la la la la la, parce que moi je me balade en Paris, je me balade en Paris, je me balade en Paris, Paris, Paris, je me balade en Paris, je me balade. Ram pa pa pam, ram pa pa pam pam. Too far. Sometimes you wanna cross every ocean. piece of your heart. Oh, I can barely sleep. Why won't you come to me? I want you to stay. Parce que moi je me balade en Paris. Je me balade en Paris. Je me balade en Paris. Paris, Paris. Je me balade en Paris. Je me balade en Paris. Je me balade en Paris. Ram pa pa pam, ram pa pa pam pam. Vous écoutez Summer Fun et nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Dans quelques secondes, on se fait plaisir. C'est mon coup de cœur du moment que je partage avec vous ce matin. Et Galantis, No Money, c'est ce qui arrive côté Sand and Floor. Le temps de se souhaiter la bienvenue, Coralie. Comment ça va bien ce matin? Ça va et toi? Mais écoute, comment aller mieux que se retrouver ici entre 6h et 9h pour réveiller toute la Belgique? Bah, je crois qu'il n'y a pas mieux en fait. Il n'y a pas mieux, effectivement. Non. Tous les jours, son réveil, 4h45, c'est quand même la meilleure des choses. On peut pas... Il faut quand même l'avouer. Allez, que se passe-t-il en ce mardi 9 août 2016? Nous sommes le 222e jour de l'année et nous sommes le deuxième jour de la 32e semaine. Des bonnes fêtes à souhaiter aujourd'hui. Oui, à Amour, à Bénédicte et à Thérèse. Amour, c'est plutôt joli quand même. Hein. C'est beau, j'aime quelqu'un, précisément, qui parce que c'est un prénom original, Amour. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui s'appellent comme ça. Il s'appelle Mercredi. Oh. Je fais des bisous à Mercredi d'ailleurs s'il nous écoute ce matin. Et puis on a également des anniversaires de stars. Car oui, des people sont nés aujourd'hui ce 9 août. C'est l'anniversaire de Whitney Houston. On se souvient de Whitney Houston évidemment. On vous a épargné le fait de chanter au-dessus d'elle ce matin. Je pense qu'on a fait un effort quand même, assez exceptionnel. D'autres anniversaires à fêter ce matin? Oui, celui de Audrey Tautou qui a joué dans Coco avant Chanel ou encore Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Ou encore l'anniversaire de Gillian Anderson qui elle a joué dans X-Files ou Hannibal. Eh bien, bon anniversaire. Et puis Coralie, si on a envie de souhaiter l'anniversaire d'un pote ici, ça va faire une petite surprise le matin sur Fun, comment ça se passe? Il vous suffit d'envoyer anniversaire par SMS au 3044, c'est 50 centimes par message et je vous recontacterai derrière. Vous avez envie donc de venir ici à l'antenne de Fun, ça se passe par SMS sur 3044. Côté Sand and Floor, c'est Will.i.am et Eva Simons qui arrivent. Juste avant, c'est Galantis sur Fun. écoutez Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio, Radio, Radio, Radio, Radio. If you love it like I love it, and you feel what I feel inside, if you want it like I want it, then baby, let's get it tonight. If you feel it, say hey. Terminator, I created me a rocket just so we could rock it later. And the way the beat is knocking got me feeling. Cause the DJ got me walking on the ceiling. I got a rocket for the globe. Bomb the disco. I fill it up with love and then I watch it explode. If you love it like I love it. Sans Fun Radio, bon réveil, merci d'être avec nous. Janet Blue, Perfect Strangers, c'est ce qui arrive dans un instant. Le temps pour nous parler de Fabien Feuillage, Coralie, on l'adore ce gars évidemment. Ah, on peut rappeler un peu ce qu'il fait. Eh ben, il fait des canulaires téléphoniques, il appelle des marques ou alors des personnes par rapport à leur nom de famille et il aime bien les piéger et essayer de les énerver au maximum. Et aujourd'hui justement on parle des marques de vêtements et surtout on a des marques, des tailles de vêtements parce que j'ai eu le problème hier, j'ai été encore faire les magasins, bon encore, c'est très rare mais ça arrive et j'ai eu que des emmerdes avec les tailles, une fois c'est un M, une fois c'est un A, une fois c'est 3XL en fonction si c'est vraiment du chinois ou pas chinois et voilà je sais pas, ça m'a saoulé et donc je me suis dit ce matin il faut que j'en parle, est-ce que bah, les gens rencontrent aussi ce problème ou c'est juste moi qui ai pas les idées très claires et j'ai pas su trouver... Je pense que ça arrive à tout le monde. Ah, ça va, ça me rassure. Ben, en tout cas, Fabien Feuillage, il a voulu lui aussi s'intéresser aux vêtements. Je sais pas si tu te souviens de la marque Petit Bateau. Oui. Souvent, on la voit beaucoup quand on est petit. Moi, j'avais beaucoup des boxers à Petit Bateau qu'on mettait étant enfant. Et bien aujourd'hui, il nous parle de cette marque aux couleurs de la France. Petit bateau, bonjour. Bonjour madame, est-ce que vous vous dérangez? Je m'appelle Fabien Feillèche. J'avais une question. Hein, vous en prie. Dites-moi, vous n'avez que des petits bateaux? Que des petits bateaux. Vous n'avez pas des plus gros bateaux, les bateaux type taille moyenne? Ça va promettre encore un bon moment de rire. En tout cas, Coralie, on aura également dans la suite un clabuzz plutôt surréaliste. Oui, parce que la police et surtout beaucoup d'Irlandais se sont fait avoir par un objet un peu étrange, on va dire. Eh bien, on va découvrir tout ça dans quelques minutes. D'ailleurs, la vidéo sera retrouvée sur la page Facebook de l'émission Summer Fun. Et ce sera le clabuzz du jour qui arrive dans quelques instants. Juste avant, c'est Dua Lipa et Older Than Hell sur Fun. Et puis Jonas Blue et Perfect Strangers. Fungers. 7h16. Yesterday, I'm not wasting your time, I'm not playing no games. I see ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers, maybe it's not for. Feeling this way, there's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not for. Vous qui êtes des leftos, vous qui partez au boulot, qui partez en vacances, vous êtes sur Fun Radio. Et dans quelques petites secondes, c'est Dua Lipa et Older Than Hell qui arrivent. Et c'est ce que je vous réserve côté Sonance Floor. Info, scoop, people, média, c'est le Club Buzz sur Fun Radio. Et aujourd'hui, Coralie, un Club Buzz plutôt surréaliste dont on va nous parler. Exactement, ça se passe en Irlande, dans la ville de Gorée. Et les habitants ont un peu en fait cru à une invasion extraterrestre. Et quand tu vois la vidéo, qu'on va d'ailleurs poster dès maintenant sur la page Facebook de l'émission, tu peux quand même vachement te poser la question. Oui, exactement. Parce qu'en fait, ils ont pu apercevoir dans leur ville un objet volant non identifié qui avait la forme d'une soucoupe volante. Donc, tout le monde voit à quoi ressemble. Comment ça se passait en fait? Elle était là dans le ciel? Non, en fait, elle se baladait dans la ville. Elle était poursuivie par des policiers qui essayaient de l'arrêter. Et en fait, cette soucoupe venait en fait d'une exposition contemporaine qui passait. Genre, elle roulait sur la rue et tout. Oui, elle roulait dans la rue, vraiment. Ah, on pourra le voir sur la vidéo, mais ouais, elle était dans la rue, elle était sur la route et elle roulait, elle avançait, poursuivie par plusieurs policiers qui ont réussi et finalement à l'arrêter après avoir observé. Ils ont pu remarquer donc qu'elle venait de l'exposition contemporaine qui avait lieu en centre-ville à ce moment-là. Bref, on peut le dire que c'est un bon coup de buzz alors. C'était oui. Pour faire de la pub à l'exposition, maintenant que tu le dis, c'est quand même plutôt sympa comme idée. Est-ce qu'on pourra peut-être retrouver ce genre d'initiative chez nous une fois? Pourquoi pas? T'imagines, t'as ça dans Bruxelles.

Salut à tous, c'est Bob Sinclair, vous êtes sur Fun Radio. Fun Radio. Le son dance floor. Secondes sur Fun, c'est Tilcott et Chris Cross qui arrivent. On aura également un petit boostier, Feel Alone, tout ça et bien plus, c'est ce qui arrive. Avant ça, il est 7h29 sur Fun Radio et comme toutes les demi-heures, on s'informe avec Florence Vanlo. Salut Florence. Salut Anto, bonjour à toutes et à tous. Un règlement de compte serait à l'origine du décès d'un jeune homme à Gérouville. Vendredi dernier, un corps calciné avait été retrouvé dans un champ. Le jeune homme fréquentait le milieu des stupéfiants, un milieu dans lequel les règlements de compte seraient très fréquents. La victime n'a pas encore pu être identifiée formellement. Des tests ADN sont en cours afin de pouvoir l'identifier. À l'étranger, un Irlandais spécialisé dans le vente illégale de billets pour assister aux JO a été interpellé par la police brésilienne. Au total, 10 Brésiliens écoulaient des tickets afin de participer aux JO. Ces tickets étaient achetés avec des cartes de crédit piratées. L'homme a été interpellé en flagrant délit dans un hôtel. L'auteur des faits serait un des dirigeants de l'entreprise britannique THG qui n'était pas autorisé à délivrer des tickets pour la plus grande compétition au monde. L'ignorance et l'incompétence de Donald Trump ont été dénoncées dans une lettre. Cette dernière a été écrite par 50 républicains ayant exercé d'importantes fonctions dans l'appareil américain de sécurité nationale. Tous ont travaillé à la Maison Blanche lors des mandats de Richard Nixon et George Bush. Ils n'ont pas demandé de voter pour la candidate démocrate. Cependant, ils ont déclaré le candidat non qualifié par le poste de commandant en chef. Deux causes sont mises en avant, son manque de compétences et l'instabilité de son caractère. En sport, le Belge Maxime Mottet ne participera pas à la finale du tir au clé aux Jeux Olympiques. Il a néanmoins atteint son objectif en décrochant une belle 10e place au tournoi olympique. Le citoyen de Saint-Hubert termine à seulement 2 petits points du top 6, synonyme de qualification. Le Belge se voit bien continuer la compétition et se représenter aux JO au moins à 2 reprises. Son prochain

my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity. Infinity. Que vous soyez sur la route du boulot, des vacances, vous écoutez Fun Radio et vous êtes dans Summer Fun avec dans quelques petites secondes et Cheat Codes et Sex. Juste avant, encore eu le temps pour nous d'accueillir Fabien Feyesh. Ah, on l'adore. Fabien Feyesh, il cartonne évidemment, c'est un humoriste si vous le voulez, qui en fait va appeler des inconnus par téléphone pour essayer à chaque fois de les stimuler un petit peu, les faire s'énerver, même beaucoup s'énerver, et nous c'est pour notre plus grand plaisir. Aujourd'hui on parle des marques de vêtements, on parle eh bien surtout des tailles de vêtements, et bien justement Fabien Feyesh il va nous parler de petits bateaux. Tu te souviens de cette marque de vêtements? Oui, bien surtout sûr. Surtout qu'on porte quand on est petit, bon ils en font pour tous les âges, mais c'est surtout quand on est petit qu'on en porte. Je me souviens encore de mes petits boxers, petits bateaux avec les encres dessus, des boxers blancs et bleus aux couleurs, évidemment de la mer. Fabien Feyesh appelle Petit Bateau ce matin, ça promet, vous allez voir, on part en mer. Fabien Feyesh. Petit Bateau, bonjour. Bonjour madame, est-ce que vous dérangez? Je m'appelle Fabien Feyesh. J'avais une question. Hein, vous en prie. Dites-moi, vous n'avez que des petits bateaux? Que des petits bateaux. Vous n'avez pas des plus gros bateaux, les bateaux type taille moyenne, taille. Monsieur, nous faisons la marque Petit Bateau. Ouais, parce que, bon, je vous explique, c'est que moi j'ai un peu le mal de mer. Je me sens pas d'aller sur un petit bateau. Ah, mais il y a une méprise, il y a un malentendu. Nous vendons des vêtements ouais, Petit Bateau. D'accord, donc là, il n'y a pas de. D'accord, donc c'est que du petit bateau, quoi. C'est du kayak, quoi. C'est du kayak. Non, monsieur, je crois qu'on se comprend pas bien. C'est du vêtement, de la lingerie, Petit Bateau. Je comprends rien. Oui, écoutez, monsieur, je n'ai pas de temps à perdre. Hein. Bah. Au revoir, monsieur. Allô? Petit Bateau, bonjour. Recoucou, c'est encore Feyesh là. J'avais une question par rapport à la croisière. C'est quoi les dates, monsieur, exactement? Parce que je crois qu'on s'entend pas bien, là. On se comprend pas bien. Si, moi je vous entends bien. Qu'est-ce que vous êtes en pleine mer? C'est ça, vous m'entendez mal? Monsieur, ce n'est plus drôle du tout. Quittez pas, je passe en VHF. Ici Feyesh, Petit Bateau. Non, mais c'est pas vrai. Petit Bateau, bonjour. Recoucou, le matelot, là, c'est encore Feyesh au téléphone, là. Bon, là, c'est bon, j'ai mis mon gilet de sauvetage. Oh, écoutez, monsieur, ça commence à bien faire. Vous avez une case en moins, c'est pas possible, c'est complètement débile. Oh, mais pourquoi vous dites ça? Quand on va? Écoutez, monsieur, ça suffit. Vous êtes dans un magasin, pas dans un bateau. Oui, d'accord, mais il est où le fer? Petit Bateau, bonjour. Oh, et du bateau. Mais il est con, mais j'ai jamais vu un coup pareil. C'est le capitaine au téléphone. C'est ça, oui, capitaine des cons, oui. Fabien Feyesh. Ça commence à bien faire. Vous avez une case en moins, c'est pas possible, c'est complètement débile. Moi j'adore, c'est le capitaine des cons. Je pense qu'on va pouvoir ressortir cette expression, oui, très prochainement. Dans quelques instants les amis, on vous réexplique comment remporter votre PCR Wendy's. Et c'est ce qu'on vous offre justement. J'ai fait un petit mix avec PCR. Votre PC Acer Wendy's, ce sera gagné toute la semaine. On vous explique comment remporter juste après Cheat Codes et Sex sur Fun. Bon réveil, il est 7h41 sur Fun. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's sex. Sur Fun Radio, la journée démarre ensemble et sûrement avec dans quelques petites secondes Môme et Aloha, le titre qui va vous plonger directement sur la plage, les doigts de pied en éventail. C'est ce qui arrive dans un instant sur Fun. Le temps pour nous d'appeler l'anniversaire du jour. Coralie, elle s'appelle Florine, la saison, c'est super mignon comme prénom ça, Florine. Oui, tiens, c'est joli, on va l'appeler en direct ce matin, elle habite du côté de Jean Blou. Florine, c'est donc sa meilleure amie, je pense, hein, qui nous a envoyé un petit message. Oui, exactement, c'est Natacha qui nous a demandé de souhaiter un bon anniversaire à Florine. Natacha et Florine, Florine qui va j'espère décrocher ce matin pour fêter ses 16 ans, l'âge un peu important Coralie quand on regarde. Exactement, mais est-ce qu'à 16 ans, à 7h45, on n'est pas encore en train de dormir généralement? Ça dépend les gens, écoute, regarde nous à 20 ans, on ne dort plus après 5h, alors voilà. Oui mais bon, c'est nous. Désolé, la personne non, que vous avez appelée n'est pas disponible. J'aurais pu au moins faire Veuillez semblant. Laisser un message après le signal sonore. J'aurais pu au moins faire semblant pour qu'on croie que les gens de 16 ans, bah, ils dorment pas ce matin. Florine, bienvenue sur Fun Radio, je m'appelle Anto. Ce matin, toute notre équipe voulait se réunir pour te souhaiter un... Bon anniversaire. Joyeux anniversaire. J'aime bien la chanson, on va se l'écouter un petit peu. Joyeux anniversaire. Florine, 16 ans, ça se fête évidemment. Et puis c'est ta meilleure amie Natacha qui nous a envoyé un petit message pour te le fêter ce matin. Voilà, c'est une attention un peu mignonne. 16 ans, c'est super important. Tu vas voir, plein de choses vont changer dans la vie. Mais surtout, reste toi-même, profite de la vie. Fais plein de bêtises, mais fais-les bien, ma Florine. Je t'embrasse, à très bientôt. Vous aussi, vous avez envie de fêter l'anniversaire d'un pote, vous avez envie de lui faire une surprise un matin sur Fun Radio, c'est possible. Comment ça se passe, vous allez voir, c'est très très simple. Pour souhaiter un joyeux anniversaire à quelqu'un que vous kiffez dans Summer Fun sur Fun Radio, envoyez Aniv par SMS au 3044, 50 centimes d'euros par SMS. Fun Radio. Fun Radio présente Party Fun Live avec Kid Noise, vendredi 12 août à Malève-Sainte-Marie. Party Fun Live. À

Avec votre PC Acer Wendy's, je vous explique tout ça dans quelques instants. Le temps de vous lancer le tout nouveau Neil Van Zandt. C'est le DJ néerlandophone qui cartonne pour le moment. Il arrive juste après Ariana Grande et Iggy Azalea sur Fun, 7h53. Bon réveil. But you won't be one. Like what? This is Niels Van Zandt and Emily Brown. You Unified, c'est ici que tout démarre. Fun Radio. Le son dance floor. Sur Fun Radio, soyez les bienvenus. Fun Radio. Il est 8h sur Fun Radio, debout tout le monde. On s'informe en ce mardi 9 août 2016 avec Florence Vanlo. Salut Florence. Salut Anto, bonjour à toutes et à tous. Les camionneurs vont être de plus en plus surveillés. Le ministre fédéral de la mobilité, François Bello, a annoncé qu'il allait intensifier les contrôles. Il souhaite lutter contre les camionneurs qui ne respectent pas l'interdiction de dépasser par temps pluvieux. Pour le moment, les agents peuvent eux-mêmes constater cette infraction. Dès l'année prochaine, les caméras automatiques telles que les radars pourront également constater ce type d'infraction. À l'étranger, un petit garçon de 10 ans a perdu la vie sur le plus haut toboggan du monde. Selon les premières constatations, il aurait été victime d'une blessure au cou à l'origine de son décès. Les services de secours avaient trouvé le corps de l'enfant sans vie dans le bassin. Les circonstances exactes de l'accident ne sont pas encore connues. Une enquête a été ouverte afin de connaître les circonstances de ce drame. 200 balles ont été tirées par l'auteur du massacre commis dans un club gay d'Orlando en juin dernier. La tuerie avait causé la mort de 49 personnes. Ce chiffre ne concerne pas les balles qui ont blessé 53 autres personnes. L'homme avait été abattu par les autorités après avoir tenté la négociation. L'enquête avance donc dans ce qui est considéré comme le plus grave fait à l'égard des gays. En sport, le cavalier Joris Van Springel a réalisé une belle remontée après le cross-country. Le Belge est en effet passé de la 52e place à la 25e place. Aujourd'hui aura lieu la dernière des trois épreuves en équitation avec le jumping. De son côté, Karine Donkers a été éliminée au concours complet des JO de Rio. La cavalière a chuté sans gravité. Elle a été éliminée alors qu'elle occupait une belle 7e place. Une petite information insolite pour clôturer ce flash avec le championnat du monde de décortiquage de crevettes grises qui a été remporté par Nicole. C'est la 10e fois consécutive que la Française l'emporte. Durant ce tournoi, les candidats ont 10 minutes pour décortiquer le plus de crustacés. Nicole en a épluché 131 grammes en à peine 10 petites minutes. La gagnante dénote quelque peu de ses adversaires avec un t-shirt ou son brodé. 9 crevettes grises. Fun Radio. Dans un instant, côté sur Dance Floor, c'est Enrique Iglesias et Dolé le Corazon que joue Kelsur Fun. On aura également les deux DJ belges, Dimitri Vegas et Like Mike. Juste avant, côté météo, qu'est-ce que tu nous prévois pour cette journée de mardi, Florence? Un temps plus frais avec quelques averses, des températures comprises entre 15 et 20 degrés. Summer Fun continue avec le son Dance Floor des Major Lazer sur Fun Radio. Fun. Fun Radio. Ah là, c'est énorme. Rejoignez tous les millions de fans de Fun Radio. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Le son Dance Floor. Toute la journée, partout. Suivez Fun Radio. Le son Dance Floor. Tous les matins, c'est Summer Fun avec Anto sur Fun Radio. Baby got ass like a trunk. Took it from a man, he a punk. Got a body like Baywatch. Baywatch. I met her at Playhouse. Ooh, yeah. Bought 10 bottles, bought 10 more. 10 more. Told her move her ass to the tempo. Hey. Is you really with the shit though? Shit though. Really, is you really with the shit though? Shit though. We got champagne and vodka. Vodka. Goons will be if they need a problem. Whoa. Fuck niggas, hate real niggas, get money. Get money. All motherfucking day. Baby, drop it to the ground like yes, bitch. Bitch. Back it up like yes, bitch. Yeah. To the club, I'm smashing. She a make bag a nice, me no even give a fuck. She a swan like a sign dollar where you a go do. Take her outside, go smash it pan the avenue. Two of my bitches in the club. Me introduce them to each other. Other, other. Man a girl is, I'm in stanza forever. Yo, please, baby don't leave. You got a booty booty boom bam bam. Sur Fun Radio, bon réveil. Dimitri Vegas, Like Mike, Stay Wild, c'est ce qui arrive côté son dance floor. Et Coralie, un cadeau plutôt sympa qu'on a pour vous toute la semaine, eh bien c'est une tablette 2 en 1. Oui, toute cette semaine vous pouvez venir remporter votre PC Acer One 10. Donc qu'est-ce que c'est? En fait c'est un PC convertible en tablette. Vous pouvez détacher l'écran du clavier, pouvoir la transporter partout, l'utiliser uniquement l'écran tactile et pouvoir en profiter pour ça, pour jouer à des jeux, regarder une série, que ce soit dans votre lit, dans votre salon, pour la donner à vos enfants ou alors pour votre propre plaisir. Et si vous souhaitez la remporter, vous pouvez envoyer maintenant PC par SMS au 6322, c'est 1€ par message. Et on appelle l'un ou l'une d'entre vous tout à l'heure aux alentours, et bien de 9h15. Samy, tu es avec nous comme tous les mardis, comment Salut, ça va ce matin? Ça va et toi? Mais écoute, très très bien, comment s'est passé ton week-end qui était plutôt ensoleillé? Plutôt studieux on va dire. Plutôt studieux, ah ouais. C'est vrai, t'as une seconde session, j'avais oublié. Exact. Ça. Qui va arriver très prochainement. Tu es venu aujourd'hui pour nous parler non pas de cours mais bien d'amour. Exactement, je vais vous dire si les amours de vacances ça dure. Est-ce que toi t'as déjà vécu ça, les amours de vacances? Bien sûr, bien sûr. Donc l'idée c'est on part en vacances, on se trouve une petite copine sur place, hop hop hop, on reste super collé parce que bah on s'occupe. Et puis en fait à la fin des vacances on sait pas si ça dure ou pas. Eh bien on va en parler, on va tenter d'analyser tout ça. Vous, vous avez déjà connu des amours de vacances qui peut-être sont devenus des amours éternels? Venez nous en parler dès ce matin sur Fun Radio par SMS au 3044 pour 50 centimes le SMS. Enrique Iglesias, c'est ce qui arrive juste après Dimitri Vegas et Like Mike sur Fun. When the stars start to fall, will you love me? Will you call? I need you close. Don't run away. Don't run away. Chasing highs in the midnight sun. We fought for love, we were on the run. Tried my best to give you what you need. So one more chance, please don't leave. Made it way past broken hearts. Won't you stay a while? Stay a while. We are still on the run. Never had enough. Never catching us. This life is all we know. Made it way past broken hearts. Won't you stay a while? Stay a while. We are still on the run. Never had enough. Never catching us. Won't you stay a while? Stay a while. We are still on the run. Never had enough. Never catching us. Made it way past broken hearts. Won't you stay a while? Stay a while. We are still on the run. Never had enough. Never catching us. Qu'est-ce qu'on se fait plaisir? Quoi de mieux d'ailleurs pour entamer sa journée du bon pied que d'écouter Fun Radio? J'espère que tout se passe bien pour vous les amis. Dans quelques secondes, on part direction l'Espagne avec le beau et talentueux Enrique Iglesias, Duele el Corazón, c'est ce qui arrive. Le temps pour nous, Corée, de se souhaiter la bienvenue. Comment ça va bien ce matin? Ça va et toi? Mais écoute, très très bien, nous sommes le mardi 9 août aujourd'hui. Oui, 222e jour de l'année et 32e semaine. Nous avons des bonnes fêtes à souhaiter. À Amour, à Bénédicte et à Thérèse. Bonne fête à vous les amis. Et puis des anniversaires de stars. Des stars sont nés également ce 9 août. Oui, c'était l'anniversaire de Whitney Houston. On se souvient de Whitney Houston par bien exemple sûr. Avec ce titre. We'll always love you. D'autres anniversaires à fêter ce matin. L'anniversaire de Audrey Tautou qui a joué dans Coco avant Chanel ou encore le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Et aussi l'anniversaire de Gillian Anderson qui elle a joué dans X-Files et Hannibal. Et bien bon anniversaire à eux parce que j'imagine qu'ils nous écoutent ce matin. Et puis bon anniversaire à vous également de l'autre côté de la radio. Coralie, on va jouer au Battle Fun. Le principe très très simple, reconnaître l'artiste ou le nom, le nom de la chanson. Comment ça se passe quand on veut jouer? On vous passe un titre qui a été modifié, mais vous avez la réponse. Vous nous l'envoyez par SMS au 3044. Vous pourrez tenter de repartir avec votre entrée pour Durbuy Aventure. Appelez maintenant la petite merveille. Voilà, c'est ça, écoutez. Un extrait qui a été modifié par notre stagiaire Étienne. Allez, je suis sûr que vous avez presque la réponse. On va le réécouter une deuxième fois. Vous pensez avoir la réponse, vous pensez avoir reconnu qui se cache derrière cet extrait, ben vous envoyez dès maintenant la réponse dont vous pensez avoir l'idée par SMS au 3044. On vous rappelle juste après, côté son dance floor, c'est Mo qui arrive dans quelques petites secondes. J'adore ce titre, c'est mon coup de cœur, je vous le partage dans un instant. On aura aussi DJ Antoine, et puis juste avant, c'est direction l'Espagne avec le beau Enrique Iglesias. Il arrive avec Duel El Corazon sur Fun, 8h12, bienvenue. Yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy. Yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Quand on écoute ce titre, on se croit directement en vacances. Merci de nous écouter ce matin les amis, 8h15. Dans quelques secondes, c'est la Danoise Mo qui arrive sur Fun. Avec son titre que j'adore et que je partage avec vous ce matin, Final Song, c'est ce qui arrive. I'm sex and fun. Durant pour l'été. I'm sexy and I know it. Ou pas. Et aujourd'hui, Samy, tu nous parles d'amour de vacances. Exactement. Alors, on est déjà le 9 août. Déjà. Je veux pas faire le mauvaise ambiance, mais c'est quand même la fin des vacances. Presque. On a encore le temps, ça va. Ouais, on a encore le temps. Alors, imaginez-vous quitter un lieu dont vous rêviez, dans lequel vous aviez trouvé un amour de vacances. Ah, oh, c'est mignon. Vous lui adressez un dernier baiser et là, vous vous demandez, est-ce que ce sera le dernier? c'est vrai que c'est joli, mais c'est une situation qui, en gros, comme on peut le dire, eh bien, ça ne dure jamais, les amours de vacances. Mais exactement, surtout que sur les lieux de vacances, les rencontres qu'on fait se basent sur les activités qu'on partage avec des nouvelles personnes et pas sur notre métier ou notre milieu social. Et puis, on se connaît parfois même pas du tout. Exactement. Alors, la question qu'on se pose aujourd'hui, en effet, c'est la distance est-elle synonyme de rupture? C'est dommage, mais la réponse est oui. Rares sont les amours de vacances qui durent et qui résistent au retour à la réalité. Bah, surtout à notre âge. Maintenant, quand peut-être on a une trentaine d'années, ça peut fonctionner, mais ouais. À 15-16 ouais. ans, t'es juste là pour faire des petits bisous et pour passer la soirée. Faut être réaliste, c'est ça. C'est vrai. Et donc, ce serait la distance, à ton avis, qui fait qu'on ne se parle plus? Mais pas forcément, parce qu'il y a quand même beaucoup de couples qui vivent des relations à distance et ça marche. Ouais, donc, c'est un peu chelou quand même, les relations à distance. Qu'est-ce qui fait alors qu'on ne se parle plus dans les amours de vacances? Mais ce serait le retour au cadre de vie habituel. On reprend nos rituels, le boulot, les études. On n'est plus dans le même état d'esprit, on est plus sérieux. Et donc, quand on voit ces gens qu'on a rencontrés en vacances et qu'on a adoré, on est souvent déçu. Ah, on les reconnaît pas parce que simplement on se connaît ouais, pas non plus. Exactement. On connaît que l'image, comme tu viens de dire, tout en vacances. Et alors on se retrouve, on ne retrouve pas la même spontanéité et souvent les relations s'arrêtent d'elles-mêmes après la fin des vacances. Mais bon, c'est pas une règle absolue, c'est pas pour ça que vous avez pas trouvé l'amour de votre vie en vacances. Bah oui, qui sait, ça peut arriver, un amour comme ça qu'on rencontre bien. Et puis qu'on va garder toute sa vie comme ça, un amour éternel. D'ailleurs, on en parle ce matin, peut-être que vous avez rencontré un amour de vacances qui au final est devenu votre femme, votre mari. Bah dites-le nous ce matin par SMS au 3044. Toi Samy, est-ce que tu as des belles expériences comme ça, des amours de vacances qui En fait, la règle se vérifie à chaque fois, donc ça c'est fini à chaque fin de vacances. C'était quoi le but alors? C'était juste s'occuper en vacances ou c'était peut-être créer quelque chose chez nous en Belgique sur cette belle musique? Écoute, je ne sais pas. Je vais. Au feeling. Je vais faire un truc de deux heures. Je vais. Tu vas préparer le sujet. Voilà. Et toi, Coralie, des amours de vacances peut-être? Jamais. Jamais. Non, jamais. Est-ce que c'est pas plus joli de dire amourette? Amourette, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est le plus joli amourette. Le petit mot qui dit oh, on passe une amourette. Ça va bien ensemble. Avec la musique. Hein. Effectivement, Marvin Gaye qu'on s'écoutait là maintenant. Merci beaucoup, Samy. On te retrouve évidemment jeudi pour les bons plans de l'été. Et puis dans quelques instants, sur Fun Radio, on va se faire plaisir. Samy, c'est un bon titre qui sent. Ouais. Je trouve que ça sent l'amour. Mo, Final Song, c'est ce qui arrive dans quelques petites secondes. Juste avant, c'est Didier Antoine et Welcome to Saint-Tropez sur Fun. Jet, I gotta stay high, high up like a la la la. Ain't nothing here that my money can't buy. Dolce, Gucci, and Louis V. Yak so big I could live in the sea. You for real? You can't see me. In these zero frames, the whole world changed. Mad bitches, so much bro. Feeling like when I wanna fuck them all. Get mad brain in my very fast car. Ferrari V12, Maranello on my arm. Ladies can't resist the charm. Haters, kiss the ring of the dawn. And we do this all day. Welcome to Saint-Tropez. Saint-Tropez. Oh, yeah. We make money, money we spending. Get mad honey, swimming in women. Imported linen, Egyptian cotton. The party just started, the party ain't stopping. Keep shit popping, popping these bottles. Haters keep hating, fucking these models. So much money like we own the lotto. Pull up to a club in a white Moselago. It don't make dollars, it don't make sense. It don't make you rich, it don't mean shit, shit. We the shit. I mean, how much better can it get? Harleys, Maseratis, Gelatos. We make too much dough, and we spend it all day. Welcome to Saint-Tropez. Saint-Tropez. Saint-Tropez. Vous écoutez Fun Radio. Fun Radio. Fun. Won't you stay, at least until the sun goes down? When you're gone, I lose faith, I lose everything I have found. Heartstrings, violence, that's what I hear when you're by my side. Ooh. Yeah, that's what I hear when you're by my side. Song. Sur Fun Radio dans quelques secondes, on se fait plaisir avec Soprano. C'est Camille qui m'a demandé par SMS au 3044. Le diable ne s'habille plus en Prada, c'est ce qui arrive. Le temps pour nous de réécouter le Battle Fun du jour. Le principe très simple, Coralie, on va devoir eh bien retrouver le nom de l'artiste ou encore le nom de la chanson. On a eu pas mal de réactions d'ailleurs par SMS, donc on peut se dépêcher parce qu'on a quand même du cadeau à la clé. Oui, on vous offre votre entrée pour aller passer une journée au parc Urbi Aventure qui s'appelle maintenant La Petite Merveille. Vous avez la bonne réponse, envoyez-la au 3044. On réécoute l'extrait, écoutez. On appelle le gagnant dans quelques secondes, à tout de suite. Loto présente le mois de Wout, semaine 2. Un deuxième volet aussi bien que le premier, avec à nouveau 500 000 euros ajoutés au jackpot. Ce mercredi, 1 500 000 euros à gagner. Jouez au Loto. Fun Radio. Fun Radio. Away, because your baby is so far away. Well,

Le Vatican a ouvert un procès contre un prêtre condamné. Le prêtre irlandais a été condamné au Chili à 4 ans de liberté surveillée pour abus sexuels sur mineurs. Il devra répondre de ses actes devant la justice du Vatican. Le prêtre a fait part au Vatican de son entière disponibilité pour collaborer au procès dont les échéances et le mode de fonctionnement sont édictés par les autorités compétentes. Il a été reconnu coupable de sévices sexuels répétés sur une mineure entre 2010 et 2012. En sport, c'est officiel, le français Paul Pogba est le joueur le plus cher de l'histoire du football. Le vice-champion d'Europe en titre est arrivé en Angleterre lundi afin d'effectuer des tests physiques. Manchester United a confirmé l'arrivée du milieu de terrain tricolore. Le transfert du français est estimé à près de 120 millions d'euros. Il rejoint dans le club anglais José Mourinho et Zlatan Ibrahimovic. Le français revient donc dans le club qu'il avait quitté en 2012 pour rejoindre la Juventus de Turin. Une petite information insolite pour clôturer ce flash avec une nouvelle vidéo qui fait le buzz sur internet. Lors d'un mariage, une erreur a été commise par le DJ, pas de souci. Le marié, qui n'avait pas froid aux yeux, a décidé de monter sur la piste de danse. La mariée, surprise par les quelques pas de danse, n'en croyait pas ses yeux. Les deux époux ne sont pas passés inaperçus et le marié a pu exposer ses qualités de danseur à l'assemblée. Les mariés ne risquent pas d'oublier ce moment de leur mariage. Dans quelques secondes, côté Sun Dance Floor, c'est Drake qui arrive. On aura également un petit Deoro et Elvis Crespo juste avant. Côté météo, qu'est-ce que tu nous prévois, Florence, aujourd'hui? Pas grand-chose de terrible avec un temps plus frais et quelques averses. Les températures seront comprises entre 15 et 20 degrés. Le Sun Dance Floor continue dans Summer Fun avec Martin Solveig sur Fun Radio. Fun Radio. Fun. Summer Fun. C'est 8h37 sur Fun Radio. Merci de vous réveiller avec nous. Drake, One Dance, c'est ce qui arrive dans un instant. Le temps pour nous de réécouter l'extrait du Battle Fun de jour. Il a été modifié par notre stagiaire Etienne. Et donc, le principe, comme chaque jour, c'est de reconnaître cet extrait. Et puis, peut-être bien pouvoir en déceler le nom, l'artiste ou encore le titre du tube. Donc, on va s'écouter maintenant. Écoutez. Allez, encore quelques petites secondes pour vous participer. C'est ce qui se passe maintenant. Le temps de vous prévenir que on va également parler agenda et idée de sortie dans un instant avec, eh bien, une session de sport gratuite ou encore une visite sportive. Ce sera du côté du musée de la Bovrie à Liège. On parlera tout ça dans quelques instants avec Coralie. Le temps de notre standard téléphone à notre gagnant. On va réécouter une dernière fois l'extrait. Allons-y. Alors on va écouter ça, on va appeler donc le gagnant en direct, il s'appelle Loïc, il a 19 ans, il habite du côté de Tournai. Salut Loïc, comment ça va ce matin? Allô Loïc? Allô? Comment ça va bien ce matin? Ça va et vous? Mais écoute, très très bien. Alors tu as envoyé un petit SMS au 3044 pour retrouver, eh bien, le titre du jour. Quel est-il d'après toi? Boosty, je crois. Boosty, Feel Alone, bonne réponse. Yes. Ouais. Eh, c'était facile quand même. Comme quand on y arrive, on fait quand même ça plutôt bien ce matin. Ouais. Hein. Écoute, tu repars avec du cadeau, mon cher Loïc. Tu repars avec ton entrée pour Turbi Aventure, qu'on appelle maintenant La Petite Merveille. Tu pourras passer une journée bas là-bas et profiter, faire un petit peu toutes les activités que le parc propose. Est-ce que tu as déjà connu des amours de vacances, toi, Loïc? Oui, de temps en temps, de temps en temps. Et ben voilà, comme ça, tu vas pouvoir encore en recréer, hein, si c'était partir à La Petite Merveille. Je te fais des bisous, Loïc. Passe une excellente journée. Merci d'être à notre écoute. Dans un instant, c'est Deoro et Elvis Crespo qui arrive. Juste avant, c'est Drake et One Dance. 8h39. Bon réveil. Vous êtes sur Fun. Grips on your ways, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your style. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. If you're down, I'll take it slow. Make you lose control. On se réveille ensemble dans la bonne humeur avec, dans quelques petites secondes, le duo Deoro et Elvis Crespo sur Fun. Avec leur titre Bailar. Les idées de sortie, c'est dans Summer Fun sur Fun Radio. Et aujourd'hui, Coralie, tu as consulté pour nous l'agenda des activités à faire à Bruxelles et en Wallonie. On commence avec du sport gratuit. Vous pourrez profiter d'une séance d'une heure de sport gratuite. Le cours sera donné et animé par un instructeur bénévole qui est certifié. Pas mal. Donc pendant l'été, en fait, la SBL Friskis et Zvetis Bruxelles vous propose des cours de sport pour tous les niveaux. Donc à Bruxelles, à Etterbeek, à XL, à Woluwe, Saint-Lambert et encore plusieurs autres communes. Les cours sont en plus de tout ça gratuits évidemment. Dans le parc du cinquantenaire, un stand d'information est à votre disposition et les bénévoles pourront répondre à toutes vos questions. Est-ce qu'il y a un site internet, une page Facebook où on peut retrouver des infos? www.friskis.be. Friskis.be, ça fait penser un peu à un petit yaourt qu'on mangeait quand on était petit, non? Ouais. C'est vrai, quand on y regarde. Ou alors à la boisson, à la fraise Fristi. Oui, voilà, c'est ça, voilà, ça. Ça je pensais. On part cette fois-ci du côté du musée de la Beauverie. Vous pouvez venir profiter d'une soirée découverte post-it dans l'exposition en plein air. Le concept est assez sympa car vous pouvez venir poser toutes vos questions à propos d'une œuvre sur des post-it et l'animateur y répondra lors du parcours dans le musée. Donc l'idée c'est qu'on met des post-it dans le parcours et on pose des questions. Exactement, c'est bien ça. Et donc pour l'occasion, la Beauverie fera une nocturne et sera exceptionnellement ouverte jusqu'à 21h. Et ça se passe donc aujourd'hui du côté de Liège. Combien ça coûte plus ou moins? C'est 8 euros. Et ça se passe évidemment sur internet également. www.lesmuseesdeliège.be. Lesmuseesdeliège.be. Merci beaucoup Coralie. On retrouve tout ça dès maintenant sur la page Facebook de l'émission. Dans quelques instants, on va lire tous vos SMS qu'on a reçus au 3044, mais également sur Facebook. Il y en a eu pas mal par rapport aux amourettes de vacances, la chronique de Samy tout à l'heure. Encore au sujet du jour, on a des problèmes avec les tailles de vêtements. Franchement, on sait pas comment faire quand on passe de Zara à Jules à H&M ou encore à CEA. On n'a jamais deux fois la même taille. Comment faire? Est-ce que vous aussi vous avez ce genre de galère? Eh bien, on en parle dans quelques instants. Et puis, côté son dance floor, évidemment, c'est le meilleur qui continue jusqu'à 9h avec Clean Bandit, le duo CIA Sean Paul. Et puis, juste avant, c'est 2 euros et Bailar sans Fun. Cet été, tous les DJs sont sur Fun Radio. The best DJs are on Fun Radio. Maeva Carter, Miko C et Adrien Thomas mixent tous les plus gros tubes et les meilleures nouveautés en non-stop. Welcome in the biggest clubbing. Party Fun. Party Fun. L'émission club de référence en Belgique, c'est sur Fun Radio. C'est l'été. Et qui dit été dit... Hey Phil, ça roule. Dis-je pars lundi en vacances. Tu peux me déposer à l'aéroport? Mais en fait, ce que votre ami veut dire, c'est... Phil, dis-je pars me dorer la pilule au soleil. Il faut que tu passes 2 heures dans les embouts pour me déposer et puis repartir chez toi. Enfin non, pas chez toi, au boulot. C'est lundi, c'est vrai. Allez, merci, hein, ciao. Rendez-vous service et faites plaisir à vos amis en devenant ami chauffeur. N'allez pas à l'aéroport, mais à une gare SNCB, où ils prendront le train de l'aéroport. Vous évitez les bouchons et pouvez même remporter des vacances de rêve. Participez au concours sur amichauffeur.be. Le train. Fun Radio. Fun Radio. Fun. Le son. Like a Ferris wheel spinning on and on, stuck in the same routine, the same old song. Don't be too rational, don't let it get to you. You will find a new direction, who knows where it's gonna lead. Suddenly it hits you, you know where you are. It's a brand new start, a change of pace. Opportunity knocks, don't let it slip away. Better times to come, it's never too late. You will find a new direction, who knows where it's gonna lead. On the run, on the run, your mind is like a battlefield without guns. On the run, on the run.

écoutez Fun Radio. Fun Radio. Fun. Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. Bada bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. Bada bang bang. Come on, come on. Turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup. To the floor and make me see your energy because me not play no hide and seek. What is the thing you ever make me feel weak, girl? Free! Cause anytime I whine and catch it, the selector pull it up and put it on repeat, girl. Me not touch a dollar in my pocket, cause nothing in this world ain't more than what you worth. I don't need no money. You worth more than diamond, more than gold. As long as I can feel the beat, make the beat just take control. As long as I keep dancing. Free up yourself, get out of control. Baby, quoi de mieux pour démarrer la journée du bon pied que d'écouter Fun Radio. Soyez les bienvenus, il est 8h57 dans quelques petites secondes. C'est Cashmere et Wildcard qui arrivent côté son dance floor. On aura également le duo Eva Simon, c'est Sydney Samson avec Escape for Love. Le temps de lire toutes vos réactions par SMS au 3044. Car on en a eu pas mal aujourd'hui, Coralie. Oui, on en a eu pas mal à propos des amourettes surtout. On nous dit, oui, moi jamais rencontré d'amour de vacances, mais j'ai 16 ans, j'aimerais bien que ça m'arrive une fois. À 16 ans, t'as encore le temps quand même de rencontrer ton amour de vacances. Oui, c'est juste, juste une petite amourette rapidement qu'on fait comme ça en vacances. On dit, je suis avec ma femme depuis 20 ans, je l'ai rencontrée pendant mes vacances, on ne s'est jamais quitté. C'est mignon. C'est mignon, 20 ans. C'est la chronique de Samy donc aujourd'hui qui parlait eh bien, des amourettes de vacances. Est-ce que ça peut durer ou pas? On parlait comme sujet du jour plutôt des marques et des vêtements parce qu'on a tous peut-être déjà connu ça dans un magasin. Les tailles de vêtements sont toujours différentes en fonction du magasin dans lequel on va et c'est plutôt handicapant d'ailleurs. Oui, on nous dit ça m'arrive tout le temps chez H&M avec leurs pantalons, exactement comme moi. Sinon, dit chez Célio et chez Jules, les tailles sont différentes et à chaque fois, je dois à chaque fois prendre du temps dans la cabine pour pouvoir essayer les vêtements. Bah c'est ça, parce que tu prends un M chez H&M, chez Jules ou encore chez Pull&Bear, et puis finalement t'arrives pas à la même taille. Il y en a un qui est trop grand, trop petit, trop large, alors que c'est pratiquement le même modèle. Et ça c'est plutôt chiant. C'est ce qui m'est arrivé hier. Je me suis dit, c'est pas possible. Comment ça peut encore arriver à notre époque où tout est un petit peu le même, quoi. Et tout. Bah ouais, c'est ça. C'est horrible. Après, c'est vraiment pour nous blaser, c'est atroce. Tu es méga frustré. On a du cadeau pour vous dans quelques instants à vous offrir. Comment ça se passe, Coralie, pour jouer? Eh ben, il vous suffit d'envoyer PC par SMS au 6322 et vous souhaitez repartir avec votre PC Acer One 10. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un PC qui est convertible en tablette. Donc vous pouvez l'utiliser comme un PC tout à fait normal avec son clavier, en fait, son écran. C'est ça. Et après, vous pouvez aussi détacher l'écran du clavier pour l'utiliser uniquement comme une tablette. Et c'est ce qu'on vous offre dans quelques instants. Alors allez-y, PC par SMS au 6322 pour 1€ le message. Bonne chance. Fun. Fun Radio. Avant ça, il est presque 9h sur Fun. On démarre la journée ensemble avec une bonne dose d'actu signée Florence Vallot. Salut Florence. Salut Anto, bonjour à toutes et à tous. 13 policiers vont être renvoyés par le parquet de Bruxelles devant le tribunal. Il s'agit des responsables des achats pour la zone de police de Bruxelles Midi. L'enquête dans laquelle est également impliquée la légende du cyclisme Eddy Merckx est à présent terminée. Les suspects auraient conclu des contrats avec des fournisseurs. En échange, ils recevaient des réductions pour des vélos onéreux, des lecteurs MP3 ou encore un voyage à Las Vegas. À l'étranger, l'Équateur a été secoué par un séisme de magnitude 4,7 durant la nuit. Le séisme a été fortement ressenti à Quito. Le tremblement de terre a provoqué la panique chez les habitants. Ces derniers se sont précipités dans la rue. L'épicentre a été localisé à environ 10 km de la capitale et à 5 km de profondeur. Après des mois de froid diplomatique, le président turc Recep Tayyip Erdogan et le premier ministre russe Vladimir Poutine vont se rencontrer. C'est le président turc qui souhaite lancer une nouvelle étape dans les relations avec la Russie. C'est la première visite du président turc à l'étranger depuis le putsch raté le 15 juillet dernier. En sport, le relais 4 x 200 mètres nage libre, messieurs, a déclaré forfait pour l'épreuve olympique. Ce forfait n'est en aucun cas dû à une blessure. Il fait suite à une bonne nouvelle, au contraire, puisque le forfait est dû à la qualification pour la finale du 200 mètres papillon de Louis Cronen. Les coachs de la sélection belge ont pris cette décision afin d'alléger le programme des nageurs. La programmation est en effet fort chargée pour les nageurs belges qui se présentent aujourd'hui dans différentes disciplines. Une petite information insolite pour clôturer ce flash avec la poste qui n'est pas toujours très rapide chez nous. Sachez que cette lenteur est également présente chez nos voisins français. Pour preuve, ce courrier qui est arrivé 41 ans plus tard. Amélie a reçu une carte postale de la cousine de son arrière-grand-mère. Cette dernière, aujourd'hui disparue, comptait donner quelques nouvelles à sa famille. Des nouvelles qui sont arrivées plus de 40 ans plus tard. Une situation qui se fait de plus en plus rare, car on en voit surtout beaucoup moins de cartes postales qu'auparavant. Fun. Fun Radio. Lloyd prend le contrôle de la radio dans quelques instants. Il a pour vous un petit Rise Trifake Bonbon. On aura également Underdog Project ainsi que Cashmere et Wildcard. Juste avant, côté météo, qu'est-ce que tu as pour nous, Florence, aujourd'hui? Rien de terrible avec un temps plus frais et quelques averses. Des températures comprises entre 15 et 20 degrés. Le son Dance Floor continue sur Fun Radio avec Cashmere. Fun. Fun Radio. Fun Radio. Restez connectés avec Fun Radio toute la journée. Are you ready? Fun. Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Fun Radio. Suivez Fun Radio. Le son Dance Floor. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Le son Dance Floor. Stop and stare. I'll make a killing from this change. Snake eyes and sevens, you can feel it in the air. You see your fortune and your fame. Wanna take a spin? Wanna take a roll? You know you're dealing with the wild card. If you go all in, I'll make your troubles fall. Might take your diamonds, but I'll steal your heart. I'm 9h05 sur Fun Radio, soyez les bienvenus, on démarre la journée ensemble avec dans quelques secondes le duo Eva Simon, c'est Sydney Samson, Escape from Love, c'est ce qui arrive dans quelques petites secondes. Le temps pour nous, Coralie, devait commencer la journée en ce mardi 9 août 2016. Oui, nous sommes le 222e jour de l'année et début de la 32e semaine. Des bonnes fêtes à souhaiter aujourd'hui. À Amour, à Bénédicte et à Thérèse. Bonne fête à vous les amis. Et puis des stars sont nés également ce 9 août. C'était l'anniversaire de Whitney Houston. On se souvient de Whitney Houston, évidemment. D'autres anniversaires, d'autres stars qui sont nés aujourd'hui. Celui de Audrey Tautou qui a joué dans Coco avant Chanel ou encore Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain. Et aussi celui de Gillian Anderson qui elle a joué dans X-Files et Hannibal. Eh bien bon anniversaire eux parce qu'ils sont certainement à l'écoute de Summer Fun ce matin. Et puis vous aussi bon anniversaire si vous souhaitez, eh bien si vous avez pardon votre anniversaire ce matin. C'est l'heure pour nous d'appeler notre gagnant du jour Coralie pour repartir avec sa PC tablette Acer One 10. Elle s'appelle Maude, elle habite du côté de Wemel et elle a 22 ans. Salut Maude, comment ça va bien ce matin? Ça va et toi? Mais écoute, très très bien, merci de nous écouter ce matin en tout cas. Alors on a peut-être, est-ce qu'on a une bonne nouvelle pour elle? Ou est-ce qu'on fait un peu durer le suspense? Allez, je suis de bonne humeur. Allez, on est de bonne humeur, on va y aller. Maud, j'ai une très bonne nouvelle pour toi, tu repars avec ta tablette PC Acer One 10, bravo! Ouais! Ah, merci. On t'envoie tout ça direction la maison évidemment. Est-ce que tu as peut-être pour nous un petit conseil par rapport aux amours de vacances qui était notre sujet du jour? Moi j'ai pas vraiment essayé ça, moi j'essaie vraiment tout ça. J'ai plutôt du genre à rester à la maison ou en vacances, j'ai profité des vacances et du soleil, c'est tout. Bah c'est pas plus mal d'un côté, ça évite les problèmes à la fin des vacances comme ça. Maude, je te fais des gros bisous, merci de nous écouter ce matin, à très bientôt. Oui, pas de problème, bisous. À très bientôt Maude. Vous aussi vous avez envie de repartir avec cette PC tablette Acer One 10, c'est encore possible cet après-midi. Dans C'est que du fun entre 17h et 20h, vous pourrez aussi tenter de repartir avec votre PC Acer One 10. Pour ça, vous pouvez déjà vous inscrire en envoyant PC par SMS au 6322, c'est 1€ par message. Et puis Coralie, nous on se retrouve demain dès 6h, mais on reste connectés ensemble via les réseaux sociaux. Et sur la page Facebook Summer Fun, venez liker la page, envoyez-nous des messages, on les lira dans l'émission de demain et on fera un plaisir de vous répondre. Ou encore sur le Snapchat Florus Radio, vous pourrez suivre tous les coulisses de l'émission. À demain encore, Ali, des bisous. Et puis Lloyd débarque dans la suite sur Fun. Comment ça se passe, Lloyd? Bah, très bien ce matin. Mais écoute, c'est un plaisir de te voir. D'ailleurs, je te vois depuis tantôt et ça y est, je suis perdu, j'y arrive pas, tu me perturbes. Tu as en tout cas plein de bons sons d'Enslore pour nous la suite. Moi, les amis, je vous laisse ici. Faites plein de bêtises, mais faites-les bien. Excellente journée à vous sur Fun. Gros bisous, à demain. On est parti jusqu'à 13h sur Fun Radio. R.I.S. Refi dans un instant. Voici Eva Simons et Sydney Samson sur Fun. Welcome. Have mercy on me, I don't know what I'm doing. Hope I will be just fine if I let my feelings out. For real, I had a good time, just had enough of your mind. Can I really let you go? No. Radio. Fun Radio. Le son dance floor. Le son dance floor. King of the